te mawo Eko tina na silika wo Eko pesa nga bilo bela Eko tina na tuna Na komi yembele yembele Nangu na kondite o Mwasi ata mwisangai Poto o boye o Lembisa o desinga o Namona te o solo la o Nayoka te o bimaki Fungola kaina bolangi Nangu na kondite o Tako ya ganga e Ikolo ya mwasi wo o Lelonga ina koti wo o Soki na moni yote o Na komi neko luka luka o Zuele kimetele Na yoki kanda na motema Na silikate Konsolenga mama Nandu na koti teo tako ya ganga e Nikolo ya mwasi wo Lelonga ina koti wo Soki na moni yote o Na komi neko luka luka o Zuele kimetele Na yoki kanda na motema Sakumuna, oh, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna. La belle la sepamba, mon père la cabine d'un tuer. La belle la sepamba, mon père la cabine d'un tuer. La belle la sepamba, mon père la côté cabolingo d'un bamba. La belle la sepamba, mon père la cabine d'un tuer. La belle la sepamba, mon père la tekin d'otto. La belle la sepamba, mon père la cabine d'un tuer. Belle la mon balie, oh mon témoin. La belle la c'est papa, mon balie a cabine d'entrée. Ni tcheka tcheka n'a mon balie, oh n'a pas banda. La belle la c'est papa, mon balie a cabine d'entrée. Ni tcheka tcheka n'a mon balie, oh et pas y'a pas banda. La belle la c'est papa, mon balie a cabine d'entrée. Y'a une belle la mon balie, oh n'a pas banda. La belle la c'est papa, mon balie a cabine. La belle la c'est papa, mon balai a cabine d'entrée. Oh mon balai, Sakumuna. Oh mon balai, Sakumuna. Mouya bakoko, Sakumuna. Oh Sakumuna, Sakumuna. Mouya basetana, Sakumuna. Oh Sakumuna, Sakumuna. Oh mon balai, Sakumuna. Oh Sakumuna, Sakumuna. Mouya bakoko, Sakumuna. Oh Sakumuna, Sakumuna. Oh Sakumuna, Sakumuna. Oh Sakumuna, Sakumuna. Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna, La belle est la cabine d'entrée. La belle est la mon témoin. akoteka bolingo nabere